Licenciement fondé mais vexatoire. Un rappel, le bien fondé d'une demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien fondé de celle-ci. Une cour d'appel ne peut donc pas débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire au motif que ce licenciement a une cause réelle et sérieuse. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en décembre prochain. À bientôt !